l'écran. Tu restes là, assis devant moi, et tu regardes le ciel qui n'existe, oui, que pour toi. Des souvenirs qui s'interpellent. Américaine.